Le livre des récompenses et des peines est Taishang commentaire. Taishang, le très élevé, est la dénomination du personnage que la secte des Taoïstes vénère le plus. Les actions bonnes ou mauvaises des hommes font une impression sur les esprits du ciel et de la terre. Faire cette impression s'appelle Isikan, 3, mot qui signifie affecter, émouvoir. Les esprits du ciel et de la terre envoient aux hommes, suivant la nature de leurs actions, une récompense ou un châtiment. Cette rétribution s'appelle Ying, 4, mot qui signifie répondre ou correspondre. Pien, 5, signifie livre. C'est le traité que nous allons expliquer. Histoire. Il y avait autrefois, sous la dynastie des Song, un homme de la province du Sichu, de la ville de Houmeiyan, dont le nom était Wang, et dont le surnom était Xiang. Ayant ouvert son cœur au bien, il eut l'intention de mettre en pratique quelques dizaines des préceptes renfermés dans ce livre. Mais un jour, il fut saisi d'un accès de chagrin, et mourut subitement. Il se sentit emporté au milieu des airs, et, de là, il entendit retentir dans sa maison les pleurs et les plaintes de ses enfants. Peu d'instants après, il entendit encore des hommes qui disaient « Wang Xiang avait eu tout à l'heure l'intention de mettre en pratique le livre des récompenses et des peines. Il est juste de le renvoyer promptement sur la terre. » Wang Xiang revint à la vie et vécut encore jusqu'à 102 ans. Il y avait un homme du département de Suiningfu, dont le nom de famille était Cheou, et dont le surnom était Hu. S'étant procuré le livre des récompenses et des peines, il le lisait tous les jours, et ne cessait de le développer et de l'expliquer aux autres hommes. Un jour, il mourut subitement. Il ressuscita le lendemain, et dit à sa femme, « J'ai été emporté dans l'autre monde, et j'ai vu debout devant le tribunal, des hommes couverts de haillons. C'étaient en grande partie des gens du même village que moi, qui étaient morts de faim. À ce spectacle, j'ai été saisi d'une crainte profonde. Celui qui était assis au tribunal ressemblait exactement à ces génies des étoiles qu'on nous peint sur la terre. Il m'appela par mon nom, et, m'ayant fait approcher, il me parla en ces termes. Dans l'origine, tu étais au nombre des hommes qui doivent mourir de faim, mais tu as été pénétré de respect pour le livre des récompenses et des peines de Taishang, tu as mis ton plaisir à le développer aux autres hommes, et quoique tu n'aies pas encore pratiqué un ou deux de ces préceptes, cependant, parmi les hommes qui t'ont entendu l'expliquer, il y en a beaucoup qui se sont convertis, et qui sont revenus au bien, il y en a même plusieurs qui ont observé fidèlement les maximes qu'il renferme, et qui sont devenus immortels. C'est à ta conduite méritoire que doivent être attribués ces heureux effets. Aujourd'hui tu te trouves amené ici au milieu de tous ces malheureux, mais, pour te récompenser, je prolonge l'espace de temps qui t'était fixé dans le livre de la vie, et je te renvoie sur la terre. Il faut que tu fortifies ton cœur dans le bien, afin de pouvoir rendre témoignage à la vérité du Tao. Tu n'as pas besoin de revenir ici. Un homme du district de Shui, nommé Huang Feng, qui exerçait la médecine, s'abstenait de tuer et délivrait les animaux. Il grava le livre des récompenses et des peines de Taishang, l'imprima et le fit distribuer gratuitement. Un jour, se trouvant dangereusement malade, il rêva que deux démons l'avaient porté jusqu'à la moitié du chemin qui conduit dans l'autre monde. Il aperçut trois hommes debout au milieu des airs. L'un d'eux, qui était vêtu de jaune, dit en le voyant, « Cet homme est Huang Feng. Jusqu'ici il n'a cessé de pratiquer avec respect le livre des récompenses et des peines. Il faut plus vite le renvoyer sur la terre. » Sur le champ, les deux démons le relâchèrent, et il revint à la vie. Après avoir eu ce songe, il s'appliqua encore davantage à pratiquer ce livre. Il en répandit au loin les préceptes, et, par son exemple, il excita au bien les hommes de son siècle. À la fin, il devint immortel, et fut enlevé au ciel. Un homme du département de Hokkien-fu, nommé Yang Xiaonie, lisait tous les jours le livre des récompenses et des peines. Il avait déjà atteint l'âge de 60 ans, et n'avait point encore d'enfant. Il en était profondément affligé. Un jour, il tomba malade et mourut. Quelque temps après, il revint à la vie, et dit aux personnes de sa maison. « Aussitôt que je fus arrivé dans l'autre monde, je vis un magistrat qui tenait un registre, et effaçait des noms avec un pinceau. Il me dit que j'avais été condamné à ne point avoir d'enfant dans cette vie, mais que, comme j'avais constamment lu le livre des récompenses et des peines, il était juste de prolonger ma vie et de m'accorder un fils. » L'année suivante, il eut en effet un fils, qu'il nourrit dans sa vieillesse, et lui rendit, après sa mort, les devoirs funèbres. Il y avait, dans le district de Huanggen, un docteur nommé Yang Qin. À l'époque où il n'avait pas encore obtenu ce grade littéraire, il vit un homme de son village qui gravait le livre des récompenses et des peines. Il réfléchit en lui-même qu'il était dépourvu de moyens, et que tout ce qu'il pouvait faire était de profiter de l'heureuse occasion qui se présentait, et d'aider cet homme dans son travail. Il grava, pour lui, la 17e page du livre. La nuit suivante, il eut un songe, et vit un esprit qui lui dit « Vous obtiendrez, au concours, un rang proportionné à celui de la planche que vous avez gravée. » Dans la suite, il obtint en effet la 17e place sur la liste des docteurs. On voit, par les exemples que nous venons de rapporter, que tous ceux qui respectent ce livre et en pratiquent les maximes, arrivent à un âge avancé, obtiennent des fils et de riches traitements, et quelquefois même sont élevés au rang des immortels. Si les hommes d'aujourd'hui peuvent respecter ce livre et en pratiquer les préceptes, ils augmenteront sans effort la somme de leur bonheur et la durée de leur vie, et le ciel leur accordera tout ce qu'ils désirent. Taishang dit, le malheur et le bonheur de l'homme ne sont point déterminés d'avance. Seulement l'homme s'attire lui-même l'un ou l'autre par sa conduite. La récompense du bien et la punition du mal les suivent comme l'ombre qui suit les corps. Commentaire. Quand un homme périt sous les eaux, ou au milieu des flammes, qu'il est dépouillé par les voleurs, qu'il tombe malade, qu'il meurt, qu'il est exposé, s'il occupe une charge, à la malignité du public, qu'il échoue en cherchant à acquérir du mérite et de la réputation, qu'il perd le capital qu'il avait placé dans une spéculation commerciale, tout cela s'appelle au 4, malheur. Quand un homme acquiert de la réputation, ou des avantages pécuniaires, quand sa maison s'élève et devient florissante, quand il a un grand nombre de fils et de petits-fils, quand un homme riche le tire d'une position difficile, quand on le sauve du milieu du danger, quand il trouve de quoi se rassasier et se réchauffer, ou qu'il obtient les douceurs du repos, tout cela s'appelle faux. 5. Bonheur. L'expression vous-même veut dire qu'il n'y a point de porte ni de chemin déterminé d'avance par le ciel, qui conduise au bonheur ou au malheur. Le mot chaîne 12 veut dire faire ce qui est bien, faire de bonnes actions, comme ce que nous voyons plus bas dans le texte. Ne point fouler un sentier tortueux, c'est-à-dire le chemin du vice, etc. Le mot « o » 13 veut dire faire le mal, faire de mauvaises actions, comme ce que nous voyons plus bas dans le texte, agir contrairement à la justice, etc. Le mot « pao » 15 signifie rétribuer, c'est-à-dire récompenser ou punir en proportion de la vertu ou du vice. La OTSE dit, parmi les hommes, les uns tombent dans le malheur, les autres obtiennent le bonheur. Il n'y a point de chemin déterminé d'avance qui conduise à l'un ou à l'autre. Il dépend de l'homme seul de se les attirer par sa conduite. Si l'homme fait le bien, il obtient le bonheur pour récompense. S'il fait le mal, il reçoit le malheur pour châtiment. Ils sont constamment proportionnés, avec une égalité rigoureuse, à l'importance des vertus ou à la gravité des crimes. Aussitôt qu'il y a quelque part un corps animé ou inanimé, il projette en même temps une ombre qui répond exactement à sa forme et à sa dimension. Si ce corps est petit, son ombre est petite. Si ce corps est grand, son ombre est grande. Elle se déplace et se meut avec lui, et le suit sans le quitter jamais. De même, un homme qui a de grandes vertus obtient naturellement un grand bonheur, un homme qui a de grands vices éprouve naturellement de grands malheurs. Par sa conduite, il est lui-même l'artisan de son sort. Ainsi, l'on ne peut dire qu'il y ait jamais eu un chemin déterminé d'avance qui conduise au bonheur ou au malheur. Les anciens disaient, le ciel envoie toute espèce de bonheur aux hommes vertueux, il fait descendre toutes sortes de malheurs sur les méchants. Le I Ching dit, dans la maison de l'homme qui accumule de bonnes actions, il y a toujours une surabondance de bonheur. Dans la maison de l'homme qui accumule de mauvaises actions, il y a toujours une surabondance de malheurs. Ces deux passages expriment fidèlement notre pensée. Cependant, il y a des hommes qui sont immédiatement punis ou récompensés, il y en a qui ne le sont que très tard. Les hommes d'aujourd'hui voient seulement que tel homme a fait le bien et qu'il a éprouvé du malheur, que tel autre homme a fait le mal et qu'il a éprouvé du bonheur. Ils ignorent que le châtiment ou la récompense qu'on reçoit promptement sont toujours légers, et qu'ils s'accroissent en proportion de leur retard. Tantôt un homme qui a fait beaucoup de mauvaises actions en reçoit aussitôt le châtiment, tantôt un homme qui a fait beaucoup de bonnes actions en reçoit aussitôt la récompense. Quelquefois un homme vertueux se tourne au mal, et son bonheur se change en malheur. Quelquefois on se repent de ses mauvaises pensées, et le malheur qu'on devait éprouver se change en un bonheur durable. En général, toute action amène infailliblement une récompense ou un châtiment. Les anciens disent, pour le bien, on reçoit bonne récompense. Pour le mal, on reçoit une mauvaise récompense, c'est-à-dire un châtiment. Si l'on n'a pas encore reçu l'une ou l'autre, c'est que le moment n'est point encore venu. Ils disent encore, quand la récompense ou la punition sont éloignées, elles échoient aux fils et aux petits-fils. Mais si l'une ou l'autre doit arriver à une époque rapprochée, nous la recevons nous-mêmes. C'est pourquoi nous ne devons point porter un jugement sur ce sujet d'après ce qui se passe sous nos yeux. Cette première section renferme l'idée générale de tout le livre. Dans les deux grandes sections qui vont suivre, on distingue et l'on fait ressortir, l'une après l'autre, les bonnes et les mauvaises actions. Pour se conformer aux préceptes de cet ouvrage, les hommes du siècle doivent pratiquer le bien et se corriger de leurs fautes. C'est pour cela qu'il y a au ciel et sur la terre des esprits chargés de rechercher les fautes des hommes, et qui, suivant la légèreté ou la gravité de ces fautes, retranchent de leur vie des périodes de 100 jours. Quand les périodes de 100 jours ont été une fois diminuées, la pauvreté les mine peu à peu, ils sont en butte à une foule de chagrins et d'infortunes, tous les hommes les poursuivent de leur haine. Les supplices et les malheurs les accompagnent, le bonheur et la joie les fuient, et des astres sinistres leur envoient des calamités. Quand toutes les périodes de 100 jours sont épuisées, ils meurent. Commentaire. On voit, dans cette section, que les esprits du ciel et de la terre observent en tout temps les fautes des hommes, et font descendre sur eux des malheurs, pour les punir. Dans le ciel, il y a 3 intendants et 5 empereurs. Sur la terre sont les esprits, qui président aux 5 montagnes sacrées. Jour et nuit, ils parcourent l'univers, pour observer les fautes, qui se commettent parmi les hommes, et, suivant leur légèreté ou leur gravité, ils retranchent de la vie un nombre plus ou moins grand de périodes de 100 jours. Si l'homme a commis une faute légère, il lui retranche un petit nombre de jours. S'il a commis un crime, il retranche une grande partie de son existence. Celui dont la vie a été ainsi diminuée, se trouve rangé parmi les hommes coupables. Comment ces esprits permettraient-ils qu'il vécût dans la richesse et l'abondance? Il ne manque pas de le pousser à consumer peu à peu sa fortune, et de le plonger dans la misère, et comme ils ne peuvent souffrir qu'il goûte la joie et le repos, ils lui font rencontrer en tous lieux des peines et des angoisses, des malheurs et des dangers. Les hommes, le voyant faire le mal, le haïssent et le repoussent. Les anciens disent, celui qui ne trompe point son propre cœur, c'est-à-dire qui ne fait pas le mal en secret, ne sera point en butte au châtiment de la justice humaine. Celui qui ne commet point de faute cachée, ne sera point exposé au malheur inopiné quand voit la colère céleste. Mais si un homme s'abandonne au mal, les châtiments, les malheurs, les dangers, le suivent constamment sans qu'il puisse jamais y échapper. Les événements fortunés, les succès heureux, n'arrivent point jusqu'à lui, et il ne réussit jamais dans aucune entreprise. Désastre sinistre lui envoie en tout temps des calamités, et quand vient le compte général, il arrive que pour telle faute commise aujourd'hui, on a retranché de sa vie tant de périodes de 100 jours, tant pour telle autre faute commise le lendemain, de sorte qu'à force de retrancher ainsi, le temps qui lui était assigné finit par s'épuiser entièrement. Alors le souffle vital s'éteint, et le corps meurt. L'homme descend dans l'autre monde, et là il est exposé à parcourir l'une des 3 carrières malheureuses, que l'on appelle Santu. Tantôt il est condamné à être une bête de somme, tantôt à être un démon affamé, tantôt enfin à subir les supplices de l'enfer. Ce n'est pas tout, et sa mort seule ne suffit point pour régler ses comptes, souvent son châtiment s'étend sur ses descendants. On voit, d'après ce qui précède, que tant que l'homme est sur la terre, il doit absolument s'abstenir de toute espèce de faute. C'est là le moyen le plus efficace pour jouir d'une longue vie. La longévité occupe le premier rang parmi les 5 espèces de bonheur. Aussi, pour punir les crimes des hommes, le ciel commence toujours par diminuer la durée de leur vie. Il y a encore les 3 conseillers, et le boisseau du Nord, le prince des esprits, qui sont placés au-dessus de la tête des hommes. Ils inscrivent sur un livre leurs crimes et leurs fautes, et leur retranchant des périodes de 12 ans et de 100 jours. Glosse Santai, les 3 conseillers, ce sont le conseiller supérieur, le conseiller du milieu, et le conseiller inférieur. Les mots PET ou Shinkin désignent le génie de la partie du ciel appelée Tseki. Il préside, avec les 3 conseillers, à la vie et à la mort, à la longévité et à la mort prématurée. Les mots, ils sont placés au-dessus de la tête de l'homme, indiquent qu'ils sont très près de lui, et qu'ils ne le quittent pas un seul instant. Le mot qui, 19, veut dire, suivant les Taosé, un espace de 12 ans dans la vie de l'homme. Commentaire. On voit, dans cette section, que non seulement il y a au ciel et sur la terre des démons et des esprits qui nous observent et nous surveillent constamment, mais encore que, tout près de notre corps, Il y a des esprits qui épient et enregistrent nos actions les unes après les autres. Si nous commettons un crime, si nous faisons une faute, il retranche immédiatement 12 années de notre vie, ou bien une période de 100 jours. On dit communément, regardez en haut. Il y a des dieux à 3 pieds de votre tête. Ceci exprime fidèlement notre pensée. On voit par là que tout homme doit s'efforcer de ne point faillir, même de l'épaisseur d'un cheveu. Il y a encore 3 esprits appelés Sanchi, qui résident au-dedans de notre corps. Aussitôt que le jour Kangshan est arrivé, ils montent au palais du ciel, et rendent compte des crimes et des fautes des hommes. Glos Sanchi, ou les 3 chi. Ce sont, le chi d'en haut, qui s'appelle Pangkyu, le chi du milieu, qui s'appelle Pangchi, et le chi d'en bas, qui s'appelle Pangkiao. Ces 3 esprits habitent dans les 3 régions du corps, que l'on appelle Sanxiao. Le jour Kangshan est celui où, dans le palais du ciel, on juge les fautes et les crimes des hommes. Commentaire. Nous voyons, dans cette section, que non seulement très près de nous il y a des dieux qui nous observent et notent nos actions, mais que même au-dedans de notre propre corps il y a des esprits qui nous surveillent assidûment. Chaque fois qu'arrive le jour Kangshan, où l'on juge au tribunal suprême les délits et les fautes que les hommes ont commis pendant les 60 jours précédents, ils profitent du temps de leur sommeil pour monter au palais du ciel et raconter l'une après l'autre, avec vérité et sans aucun déguisement, les mauvaises pensées que nous avons formées tel jour, les mauvaises actions que nous avons faites tel autre jour. Ainsi nous ne devons pas nous pardonner la plus légère faute. C'est pourquoi le Tao enseigne aux hommes à rectifier leur cœur, à purifier leurs pensées, et le Chongyong dit que le sage doit veiller sévèrement sur ce qui se passe au fond de sa conscience. Quand le jour Kangshan est arrivé, les hommes doivent redoubler de zèle pour examiner leurs fautes et épurer leur cœur. Le dernier jour de la lune, l'esprit du foyer en fait autant. Glos Dzogchen, l'esprit du foyer, préside à la vie de toutes les personnes d'une maison. Il possède au suprême degré la faculté de changer le malheur en bonheur et le bonheur en malheur. L'expression Ijin, de même, indique que l'esprit du foyer note et va rapporter au ciel, comme le font les autres esprits, les bonnes et les mauvaises actions des hommes. Commentaire. Nous voyons dans cette section que, non seulement les dieux qui habitent dans l'espace examinent attentivement nos bonnes et mauvaises actions, mais que, même dans l'intérieur de notre maison, l'esprit du foyer enregistre l'une après l'autre les actions bonnes ou mauvaises que nous faisons chaque jour. Puis, quand le dernier jour de la lune est arrivé, il monte au ciel et va en rendre un compte fidèle et véridique. Si nous avons fait le bien, le ciel nous envoie le bonheur. Si nous avons fait le mal, il nous envoie le malheur. Nous ne pouvons ni cacher ni déguiser nos actions de l'épaisseur d'un cheveu. Histoire. La visite du dieu du foyer à Yukong sous la dynastie des Ming, dans les années appelées Keatsing, de 1522 à 1567. Il y avait, dans la province de Kiangxi, un homme nommé Yukong. Son nom posthume était Tu, et son titre honorifique Liangqin. Il était doué d'une rare capacité, et avait acquis une érudition aussi solide que variée. Il obtint, à l'âge de 18 ans, le grade de bachelier. À chaque examen, il ne manquait jamais d'être le premier de tous les concurrents. Mais quand il eut atteint l'âge de 30 ans, la détresse dans laquelle il se trouvait l'obligeait de donner des leçons pour vivre, et s'étant associé à 10 de bacheliers qui avaient étudié dans le même collège, il commença à offrir avec eux des sacrifices au dieu Wenchang Tikyu. Il gardait avec soin le papier écrit. Il donnait la liberté aux êtres vivants. Il s'abstenait des plaisirs des sens, du meurtre des animaux et des péchés de la langue. Après avoir suivi fidèlement cette règle de conduite pendant de longues années, il se présenta cette fois de suite au concours des licenciés, et ne put obtenir le grade auquel il aspirait. Il se maria et eut 5 fils. Le 4e tomba malade et fut emporté par une mort prématurée. Son 3e fils, qui était doué d'une jolie figure et d'une rare intelligence, avait 2 taches noires sous la plante du pied gauche. Son père et sa mère avaient, pour lui, une tendresse toute particulière. À l'âge de 8 ans, il alla jouer un jour dans la rue, et se perdit, sans qu'on pût savoir ce qu'il était devenu. Il eut 4 filles, et ne put en conserver qu'une. Sa femme perdit la vue à force de pleurer ses enfants. Quoique Yukong travaillât péniblement tout le long de l'année, sa détresse ne faisait que s'accroître de jour en jour. Il rentra en lui-même, et voyant qu'il n'avait pas commis de grandes fautes, il se résigna, non sans murmure, au châtiment que lui envoyait le ciel. Quand il eut passé l'âge de 40 ans, chaque année, à la fin de la 12e lune, il écrivait une prière sur du papier jaune, qu'il brûlait devant l'esprit du foyer, en le priant de porter ses vœux jusqu'au ciel. Il continua cette pratique pendant plusieurs années, sans en recevoir la plus légère récompense. À l'âge de 47 ans, il resta assis le dernier soir de l'année auprès de sa femme aveugle et de sa fille unique. Réunis tous 3 dans une chambre qui offrait le plus triste dénuement, ils tâchaient d'adoucir leur peine en se consolant l'un l'autre, lorsque tout à coup on entend frapper à la porte. Yukong prend sa lampe et va voir d'où vient ce bruit. Il aperçoit un homme vêtu de noir et portant un bonnet carré, dont la barbe et les cheveux étaient à moitié blanchis par l'âge. Ce personnage lui fit un profond salut